prendre des exemples un peu plus concrets que d'habitude, assez relativement récents, qui font d'ailleurs référence à un passé relativement tragique et dramatique qu'on a tous subi dernièrement, puisque je voulais d'abord vous parler d'une période bien particulière, la période il y a pile un an du Brussels Lockdown, donc la période où on est passé d'alerte 3, du niveau d'alerte 3 au niveau d'alerte 4, et on a vu également s'opérer une sorte de basculement, un basculement de tout le champ politique, de tout le champ médiatique vers une communication de crise. Donc il sera question ici de communication de crise politique. Quels sont les acteurs médiatiques, les acteurs politiques, et qu'est-ce que ça a comme impact finalement sur la communication classique des leaders et des dirigeants. Et donc je vous disais, depuis le 13 novembre, il y a donc un an, 2015, et particulièrement depuis ce rehaussement du niveau d'alerte par l'OCAM, hein, vous connaissez l'OCAM, cet organe de coordination pour la lutte de la menace, donc on est passé de 3 à 4, et bien la donne communicationnelle a quelque chose changé dans la sphère médiatique et la sphère politique en Belgique. Alors, il y a des exemples personnels, vous savez que lorsque vous avez ce type d'événements qui se passent, systématiquement, les journalistes vont aussi rentrer dans une autre phase de médiatisation, vont essayer de trouver des intervenants, des experts, des chercheurs, des interlocuteurs qui peuvent, pendant cette séquence, c'est bien une séquence, vous expliquer ce qu'on est en train de vivre. Donc, on va voir d'ailleurs le rôle des experts dans un instant. Et donc, je vous disais, politique et journaliste sont confrontés à ce moment-là vers une communication de crise. Alors, c'est quoi une crise d'un point de vue politique et médiatique, une crise, c'est une séquence d'imprévisibilité ou de contingence, si vous voulez, une contingence sociétale qui demande une approche communicationnelle spécifique. On sort des codes traditionnels et on demande un autre type de communication à tous les acteurs concernés. Et donc c'est un contexte particulier. Alors, on va parler des commémorations dans un instant, durant la seconde heure. Vous voyez effectivement que du côté politique et du côté médiatique, on entre dans autre chose. Vous avez par exemple les chaînes de télévision vont bombarder de dossiers spéciaux, d'émissions spéciales, d'éditions spéciales du JT, et donc on voit bien qu'il y a enfin quelque chose de... Enfin, on sort de la normale, on sort de la médiation classique. On a effectivement les envoyés spéciaux qu'on voit sur place un petit peu partout, que ce soit à Paris, lors des attentats, à Nice, et bien sûr à Bruxelles. Et donc c'est un contexte particulier dans lequel certaines individualités politiques peuvent se révéler, elles peuvent être très rassurantes ou très performantes, et d'autres peuvent sombrer. Donc, tout à coup, on perçoit que l'acteur qui rentre dans ce jeu-là, dans cette séquence de crise, n'a pas du tout la maîtrise des codes et n'a pas du tout cette capacité de transposer son langage, son discours habituel, dans un discours plutôt de gestion de crise. Alors, vous avez un exemple assez connu, donc c'était lors des attentats ici à Bruxelles, lors de l'attaque sur le musée juif. J'ai vu deux victimes par terre et j'ai appelé les services d'urgence. On a attendu avec les quelques témoins qui étaient là que les services d'urgence arrivent, que la police arrive. La description est toujours la même, les faits se sont produits au sein du musée. Moi j'ai vu deux victimes simplement à terre, je n'ai pas eu l'occasion d'entrer, évidemment, je n'ai pas été voir au-delà, j'ai surtout appelé les urgences. Et j'ai mis en contact les quelques témoins avec les services de police. Il semble que les voitures aient dégaré en bout de fil, qu'une personne est entrée et ressortie assez vite, d'ailleurs, après c'est tout feu. Heureusement, une des dames qui était présente m'a indiqué qu'elle avait pu donner le numéro de plaque, donc j'espère que ça va faciliter l'enquête. Mais je veux dire, c'est très choquant alors, de voir ces personnes à terre quand on arrive dans l'entrée du musée. On ne peut pas s'empêcher, quand on voit un musée juif, de penser à un acte antisémite. C'est l'enquête qui le dira, évidemment. Mon inquiétude était surtout que la personne était avec des sacs. Donc on a demandé aux policiers d'aller voir à l'intérieur, qu'on n'ait pas déposé quelque engin que ce soit. Et puis la rapidité d'exécution faisait craindre aussi que la personne se déplace dans la ville. Donc j'espère que les éléments qui ont été donnés par les témoins... Donc ici, vous voyez que c'est un hasard, en tout cas, apparemment, que le Defenders, l'initiative à l'étranger, se situe à proximité de l'attaque. Mais ce qu'on perçoit, c'est que dans ce cas de figure, l'homme politique devient un témoin parmi d'autres. Un témoin de l'action, et va effectivement décrire les faits comme le ferait un témoin lambda repéré autour du lieu où a lieu effectivement l'attaque. Alors, la gestion de crise, elle n'est pas forcément liée ou pas forcément propice à l'émotion. Je vous disais qu'il était question d'émotion aujourd'hui, dans beaucoup dans deux semaines. Mais en fait, la gestion de crise, lorsqu'on est vraiment dans une séquence de crise, une crise politique, crise liée à une menace d'attentat, crise liée à une situation d'une catastrophe naturelle, par exemple, eh bien, elle contraste avec les séquences de commémoration. Des séquences commémoratives, post-traumatiques, où là, le traumatisme, en fait, a déjà eu lieu, et où là, il s'agit de mobiliser l'émotion pour, on verra d'ailleurs à quelle fin, mais pour d'autres raisons. Alors, dans la situation de crise, il revient, bien au contraire, en politique, de restructurer tous les éléments d'un contexte qui, à ce moment-là, est perçu comme totalement chaotique. Donc le but, ce qu'on va demander aux politiques, aux gens qui nous gouvernent, c'est de donner sens à un vécu qui semble totalement imprévisible, anxiogène et chaotique. Et donc, si on peut dire, il s'agit en fait de revisiter, de reproposer des nouvelles règles, des nouveaux termes pour ce qu'on appelle communément le fameux vivre ensemble, hein, donc comment réussir à vivre en société, et à brève échéance, dans une séquence où les informations ne sont pas toutes disponibles. Ou, si on peut le dire autrement, il s'agit de rendre respirable une atmosphère qui, à ce moment-là, est totalement anxiogène. Donc ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tous les politiques et à tous les dirigeants, qui peuvent parfois être très bien militants, de jouer ce rôle-là. Et donc il faut définir une nouvelle réalité, une nouvelle normalité, dans un contexte qui est tout à coup perçu comme hostile. Donc, typiquement, vous preniez tous les jours les transports en commun, vous ne faisiez pas attention, jamais vous ne posiez des questions sur les gens qui étaient assis autour de vous, etc. Du jour au lendemain, hein, après les attentats à Bruxelles, ou si vous venez à Paris, juste après les attentats à Paris, tout le monde regarde tout le monde observe tout le monde. Il y a une sorte d'anxiété globale, collective, qui s'installe. Donc comment remettre un peu de calme et de normalité, si on peut dire, dans ces rapports sociaux. Donc on a redécouvert d'une certaine manière notre propre vulnérabilité et on demande protection aux politiques, s'il est capable. Ça, on ne sait pas. Donc toujours dans cet idéal, bien sûr, ce qu'on demande et ce qui est demandé aux politiques, c'est de travailler son leadership. C'est un travail sur le leadership politique, de montrer que quelqu'un, en tout cas, est aux commandes. Quelqu'un est en train de gouverner, ou est au gouvernail, si vous voulez, du navire, pour prendre une métaphore, parce qu'on navigue dans nos troubles. Et donc, on ne sait pas très bien où on va, et on a besoin comme dans une crise que vivrait une entreprise, d'un manager de crise, d'un management de crise et d'un manager de crise. Alors, ça demande également une communication au diapason, donc une communication qui s'accorde avec, par exemple, dans un contexte politique, la mise au frigo de toutes les velléités partisanes, donc les habitudes, les habituelles, pardon, petites chamailleries entre partis politiques, les coups bas, tout ça, logiquement, doit être mis entre parenthèses. Hein, donc il faut, à ce moment-là, faire bloc autour, justement, de cette, du bien commun. Et bon, on verra que c'est pas toujours le cas d'ailleurs. Donc on a dans un contexte de crise une nécessité de mettre en place ce qu'on pourrait appeler une sorte de storytelling gouvernemental. Storytelling, on en a déjà parlé, donc raconter une histoire, en tout cas commencer à tisser un nouveau récit autour de ce qui se passe, avec des éléments poussés, des éléments qui sont rassurants, ou en tout cas qui nous informent sur la situation qu'on est en train de vivre. Et donc, il faut que le gouvernement fasse cela, qu'il soit comme ça. observant la distribution des rôles au fédéral durant la fameuse phase de l'Auvergne il y a un an en Belgique, on avait une sorte de distribution de rôles et de distribution des rôles au sein de ce récit dont je parle à l'instant, puisqu'on avait un Charles Michel qui à l'époque était en quelque sorte le manager de crise. Il n'y a pas comme en France un procureur de la République, un procureur de Paris qui vient face de caméra et qui incarne en fait cette personne qui vous dit ce qui se passe et qui vous rassure ou pas, en tout cas qui vous donne les éléments tangibles de ce que l'on sait de l'enquête. On n'a pas ce rôle-là en Belgique, on n'a pas M. Ockham qui vient nous parler, malheureusement d'ailleurs, et qui vient délester le politique de ce rôle-là. Non, ici c'est Charles Michel qui est manager de crise, on a Yann Yannebonne, ministre de l'Intérieur, qui joue un petit peu le rôle de premier flic du royaume, en charge des forces de sécurité, de la police, et qui est censé prouver que l'on met des choses en œuvre pour la sécurité. Alors lui, il parlait avec ces termes extrêmement fleuris habituels de la démolébéquisation de Bruxelles. Vous voyez que ça va un petit peu loin, mais en tout cas, l'idée c'est de prouver qu'on fait quelque chose pour déradicaliser certaines sphères. Et vous avez Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, qui joue un petit peu le rôle d'ambassadeur de VRP de la Belgique à l'étranger, et qui en fait est censé maîtriser ce phénomène qui s'est mis en place au moment des perquisitions à Molenbeek et ailleurs à Bruxelles, le fameux Belgian bashing, cette tendance qu'avaient les médias étrangers à critiquer la Belgique, la gestion belge du terrorisme, d'expliquer que Bruxelles est une sorte de nid à terroristes, une sorte de plaque tournante, de Airbnb pour radicaliser de tout bord. Et donc, il y avait un travail à faire dans les médias étrangers, internationaux, également. Ça, c'était le rôle de l'INS. Donc ça, c'est un dispositif relativement cohérent qui devait, en tout cas à l'époque, permettre au gouvernement de tenir le cap et de pouvoir petit à petit envisager une sortie de crise. Mais voilà, ce dispositif a d'emblée été mis à mal par, vous êtes bien sûr, vous n'allez pas être étonné, mais par la complexité institutionnelle du pays, puisque rien que pour décider du niveau de la menace, il a fallu 3h30 de discussion, pour savoir où on allait. Les responsables du fédéral, donc du niveau fédéral en Belgique, devaient s'accorder avec les représentants des régions, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et également, bien sûr, de la conférence des bourgmestres de bruxellois. C'était beaucoup d'acteurs, déjà. Et donc, chacun, dans ce contexte-là, voulait apporter une tonalité différente, une propre lecture des événements. Donc, je vous parlais d'un récit commun, d'un storytelling. Ben, tout ça ne marchait plus, puisque chacun amenait sa propre lecture des événements. Vous avez le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayer, qui estimait qu'il fallait agir, que ce n'était pas le moment de faire des analyses. Vous avez la ministre de l'Éducation, Joëlle Niquet, qui, elle aussi, y allait de ses sorties sur les safe rooms dans les écoles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, vous dites quelque chose ? Ouais, donc cette idée qu'il faut des petites espèces de boîtes étanches, enfin, des espèces de cellules de confinement blindées dans les écoles au cas où il y aurait une attaque terroriste. Et donc, on a d'un côté un discours qui est relativement pragmatique de la part peut-être d'un niveau meilleur, un discours qui est relativement alarmiste de la part de Joëlle Niquet, et puis une sorte de, je dirais, de gestion gouvernementale avec ce fameux récit au niveau du fédéral. Donc, ça, c'était un petit extrait, juste pour rigoler un peu. Joëlle Niquet, si une petite fille de 6 ans venait vous voir et demandait pourquoi les terroristes veulent nous tuer, qu'est-ce que vous répondriez simplement ? Parce qu'ils sont fous. Démoniaque, terrorisme, folie, barbare, hystérie, mortifère, radicalisme, fanatisme de jeux vidéo, et que nous prenons toutes les mesures pour la protéger, oui. Donc vous voyez qu'en termes de récit, c'est pas terrible, en tout cas surtout si vous êtes rassuré à un autre niveau. Donc, dans le contexte de crise, on a en fait eu affaire à une lutte pour le leadership médiatique. Donc les politiques essayaient d'imposer leur propre vision de l'événement, leur propre récit, et donc on avait des matinales radiophoniques, comme vous le savez, on n'en a pas énormément en Belgique, mais par exemple, Yvan Mayer s'exportait en France, France Inter, pour donner sa propre vision des choses. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué, à l'étranger d'ailleurs, de comprendre quel est le rôle d'Yvan Mayer, parce aussi une distribution des rôles qui est étonnamment, ou malheureusement, très complexe en Belgique. Alors, donc il y a une sorte de cacophonie relativement perceptible, et heureusement, la communication des partis, la communication partisane, donc les chefs de parti, eux, sont restés relativement calmes à l'époque. Donc il n'y a pas eu de montée au créneau de l'opposition pour dire que le gouvernement fédéral faisait n'importe quoi, comme on a peut-être vécu en France avec les critiques sur la gestion de crise d'un François Hollande. Alors, vous voyez, on est là dans une sorte de management de crise concurrentiel. Chacun veut prouver qu'il est en fait de vrai management de crise. Donc ça, d'un point de vue communication, c'est la pire des choses, que ce soit en communication des entreprises, qu'en communication politique. Et donc, on a eu, non pas une confrontation partisane, mais une gestion de crise compétitive avec une guerre des égos. Et là, vous savez très bien que ce n'est jamais, porteur, et que ça ne va jamais apporter quelque chose à, justement, à ce fameux récit qu'il faut à ce moment-là mettre en place. Et donc, on a eu une personnalisation de ce passage en phase critique qui concerne d'ailleurs autant le champ politique que le champ médiatique. Et donc là, je vais faire une parenthèse sur la manière dont se mettent en place les éléments dans le champ médiatique, parce que bien sûr, ça a un impact sur cette médiatisation du leadership et médiatisation de la gestion de crise. Alors, les médias également sont obligés de reformater leur dispositif, puisque on ne peut pas, en tout cas, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire de l'information comme ils le font tous les jours. Et donc, on va chambouler le fameux agenda setting dont on parlait dernièrement. On va avoir une sorte de reprise par les chaînes traditionnelles, par les chaînes généralistes, comme TDF, RTL, etc., des formats que l'on retrouve d'habitude sur les chaînes d'info continue, les chaînes d'info en continu, comme SCI, CNN, etc. Et donc, on a une sorte de BFMisation, enfin, désolé pour l'idéologie, de l'information et des journaux télévisés. Donc avec des nouveaux acteurs, puisque vous ne pouvez pas tenir l'antenne sans faire intervenir des nouveaux acteurs. C'est ce que je disais tout à l'heure pour l'anecdote personnelle, c'est qu'on va vous appeler pour dire, écoutez, il faut absolument que vous veniez en plateau, je ne sais pas pourquoi faire, mais en tout cas on a besoin de gens pour, en gros, pour meubler, pour être clair. Donc on est dans une sorte d'hyper-médiatisation qui se met en place à ce moment-là. Alors, c'est un phénomène qui a été notamment décelable, alors là, c'est une petite parenthèse un peu plaisante, je dirais, pour sortir du tragique de Bombe. Vous avez eu sur la chaîne d'info, sur la chaîne généraliste RTBF, l'apparition d'une personnalité, enfin d'une personnalité médiatique, une journaliste qui s'appelle Justine Katz, qui est probablement aussi découvert à ce moment-là, et qui a eu un rôle particulier dans ce dispositif. C'est d'ailleurs intéressant, puisqu'il y a une véritable starification, personnalisation de la gestion de crise, cette fois-ci côté médias, par Justine Katz. Certains ont parlé de Katzmania. Alors ici, j'ai quelques extraits dans les journaux, dans la Lutte le soir, l'ADH, etc. Pour vous dire que ça a été très très loin dans la description. Donc parfois, c'est totalement... Enfin bref, cette jeune brune à la coupe parfaite, sereine, malgré le climat anxiogène et les heures de sommeil en moins, assure son rôle avec brio. Voilà. On la nomme aussi Madame Attentat, je ne sais pas si c'est positif, dont le visage ne risque pas d'être zappé de sitôt par les spectateurs. Justine Katz a tout charme le dispositif de crise de la RTBF, etc., etc. Alors, pour vous montrer que je ne vous mens pas. Tu veux qu'on se parle de quelqu'un qui a plié, moi c'est ce week-end. Moi je vous dis, j'étais parti en CT trip et sur mon fil Facebook, j'arrêtais pas de voir des messages de félicitations pour Justine Katz. Et donc je fouille un peu et effectivement, je me suis rendu compte qu'elle a fait quelque chose comme 350 heures de télé d'affilée. En gros, quand elle a commencé à faire le JT, elle était stagiaire, puis à la fin du week-end, elle est partie en retraite. Enfin, elle a tout reculé. C'est vrai qu'on l'a vu un petit peu à l'antenne. Vous avez parlé aussi de l'enquête belge avec vous, Justine Katz. Justine Katz, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Alors, Justine Katz. Justine Katz. Merci, Justine. Elle est avec nous ce soir, mesdames, messieurs, Justine Katz. Ah oui. question, hein, parce que bon. Mais vous voyez comment, enfin, en tout cas, en Belgique, on est très vite starifié, hein, dans ce type d'émission. Mais donc, c'est un plébiscite qui est bien sûr lié à un phénomène tout à fait particulier, c'est-à-dire le basculement, encore une fois, de la sphère médiatique vers un contexte de crise, encore une fois, qui propulse en fait des nouveaux acteurs sur l'avant-scène. Alors ça a été très loin, parce qu'il y a même une initiative, hein, vous savez, un crowdfunding des pralines pour Justine. Voilà, donc je vous dis, hein, ça va être très loin. Pour analyser cette situation nouvelle, Justine Katz. Justine Katz. Merci Justine. complètent en fait aujourd'hui dans le traitement de l'imprévu, de l'exceptionnel, face aux attentats, l'urgence agit comme un facteur de consolidation de l'opinion publique. Alors, puisque tout le monde est mis en alerte, tout le monde est face à ces heures et ces heures d'émissions spéciales, d'émissions spéciales du JT, et elle va, malheureusement, en tout cas, dit Aurélie Amy, aussi induire un risque d'instrumentalisation du dispositif médiatique et de récupération de l'événement. Donc, finalement, c'est très cynique de le dire, mais c'est une aubaine pour les médias qui peuvent tenir les téléspectateurs en haleine devant un événement, devant des faits qui, pour le moment, sont en tout cas pas encore connus. Et bien sûr, ça n'a absolument rien à voir avec les attentats à Bruxelles quelques mois plus tard, où là, effectivement, si on compare ce contexte du mois de novembre, il y avait rien, et le contexte des attentats, où là, le téléspectateur est exposé à une reconstitution de l'événement, de ce qui vient de se passer, en fait. Donc, vous savez, on parle, du côté journaliste, on parle du film des événements. Quel est le film des événements? Ce qui vous montre déjà qu'il y a une sorte de scénarisation de ce qui est en train de se passer, de scénarisation ou de ce qui s'est passé dans la catastrophe ou dans l'attentat. Et donc, le but de cette scénarisation post-événementielle, la scénarisation après que l'attentat ait eu lieu, c'est en fait d'ancrer les événements, d'ancrer les faits dans un univers contrôlé, dans un univers quasiment fictionnel, puisqu'on a bien sûr pas toute la perspective nécessaire pour comprendre, mais le but, c'est de les rendre assimilables par l'opinion publique. C'est en créant le fameux film des événements qu'on va les rendre assimilables et qu'on va quelque peu rassurer sur le côté chaotique, imprévisible de ce qui vient de se passer. Donc c'est une sorte, non pas de présentation, mais de représentation progressive des attentats, des attaques que l'on va voir nous être proposées, en tout cas, dans les différentes éditions spéciales. Alors, le passage donc du niveau 4 au 20 novembre, le burn, c'est purement de l'abstraction. Et donc, qui dit abstraction, dit finalement, nous montre que tout ce qu'on peut vous offrir en tant que spectateur, c'est un flux continu de commentaires, des experts qui vont se suivre tout le temps. Et donc, on va avoir des éditions spéciales qui vont être dédiées à la mise en boucle d'annonces, de témoignages exclusifs. On va vous dire, ceci est une information exclusive par TDF. Et on va avoir une extension du domaine de l'expertise, avec des pauvres experts qui vont rester en plateau pendant des heures pour commenter des images en boucle. Images parfois envoyées par des chaînes étrangères, donc ce pauvre Thomas Renard de l'Institut d'Egmont par exemple, qui, terrorisme, il est là, il est toujours là, il est encore là, et il est encore là. Donc en fait, on a un expert en contre-terrorisme, et bien, quelle aubaine, on va l'appeler et on va le mettre en plateau, et il sera bien en mesure de commenter l'actualité en temps réel, ce qui est bien sûr le contraire d'une expertise, de faire du commentaire en temps réel. Donc, ce que Pierre Bourdieu appelait des fast thinkers, des penseurs rapides, qui en fait intègrent les codes de la médiatisation, qui sont capables de sortir des éléments de langage presque en temps réel sur ce qui est en train de se passer. Donc voilà, alors tout le monde n'est pas capable de faire ce que fait Thomas Renard, parce qu'il faut aussi être capable de mettre en perspective des éléments de sa recherche, de ce qu'il fait dans son think tank à l'Institut d'Egmont, et ce qui est en train de se dérouler. Donc il faut être capable de vulgariser, de généraliser, etc. Alors, l'expert, il est là aussi pour vous rassurer. On pourrait dire, dans un autre contexte, qu'il a les habits du thaumaturge, celui qui est là aussi pour vous amener une sorte de réconfort. Et donc il va exorciser les faits, il va les mettre en perspective. Mais donc cette surinterprétation à chaud va viser justement à réduire cette imprévisibilité, cette contingence, en lui apportant une sorte de logique propre, ce fameux film dont je parlais tout à l'heure. Et donc, à côté de ça, vous allez avoir des contributions anecdotiques, des micro-trottoirs, des témoignages, des éléments issus des conversations sur Internet, sur Twitter par exemple, qui viendront petit à petit alimenter le discours télévisuel et alimenter ce fameux film des événements pour participer justement à ce grand meublage de l'information, puisqu'on n'a pas grand-chose à faire sous la main. Alors justement, vous avez peut-être tu fais ça l'année dernière, mais enfin, dans l'exemple des. La police fédérale qui avait demandé, à un moment donné, je pense que c'était le dimanche soir, de dire maintenant on arrête de parler de ce qui se passe, du déploiement des policiers dans votre rue, on se tait. Et donc, la réaction des internautes, ça a été de poster des chats, hein, donc les fameux lolcats. Vous vous souvenez, ça a fait un peu le tour des médias dans le monde. Donc, la réaction du Brussels lockdown, c'était de poster des chats un petit peu partout. Et d'ailleurs, la police, d'un point de vue communication publique, a plutôt fait un bon boulot, même si c'est pas forcément drôle, mais en postant quelques jours plus tard, pour les chats qui nous ont aidés hier soir, servez-vous, voilà. Mais en tout cas, c'est une manière d'intégrer, en tout cas, cette information également en temps réel qui se déroule sous nos yeux. Donc, pourquoi je vous disais que les Justin Katz et d'autres sont des personnages qui apparaissent dans ces moments de crise? Parce qu'en fait, le rôle du Justin Katz dans ce flux continu d'informations ou de mise en boucle de faits qu'on connaissait déjà, finalement, c'est de faire le point. On va le dire, Justine, nous sommes avec vous pour faire le point sur ce que l'on sait. Donc ça, c'est la phrase que vous allez entendre. Donc c'est le brigade John Patti qui lui demandera de faire le point sur ce que l'on sait. Et donc, dans le dispositif d'urgence qui est présenté à nous, Justine Katz et d'autres acteurs jouent le rôle de synthétiseur, de commentateur synthétiseur qui permet justement de meubler cette attente en réorganisant les différents éléments qui nous sont parvenus au compte-goutte mais qui nous ont d'ores et déjà été transmis. Donc en fait, elle ne fait rien de neuf, elle n'apporte rien d'un point de vue contenu, mais elle ne fait que réagencer, rescénariser des événements qui ont déjà été diffusés ça et là dans différents médias. Donc comme le dit encore Aurélia Lamy, par la mise en place d'un discours simultané, donc c'est ce qu'est fait, hein, les médias jouent le rôle de filtre créateur de stéréotypes et de représentations mentales. Ils sont surtout générateurs d'une émotion commune et collective véhiculée par les journalistes qui contribuent ainsi à la reconstruction des représentations du réel. Donc le but, encore une fois, c'est de donner du sens à ce qui est en train de se passer. Alors je vous disais qu'il était question d'émotion et d'anecdotes et d'informations connexes que l'on va aussi distiller de temps à autre dans cette médiatisation-là. Vous avez vu cet extrait. C'est très important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête. Parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment, et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant, au monde Allah. Donc, bon, évidemment, tous les micro-trottoirs n'ont pas toujours cette qualité. Mais donc, d'ailleurs, pour la petite histoire, le livre qu'elle cite, Paris est une fête de Hemingway, a été immédiatement remis en vitrine dans les librairies et a été de nouveau un best-seller, en tout cas pendant quelques jours. En tout cas à Paris. Donc vous voyez aussi l'impact de ce type de contenu médiatique qui, après, est passé en boucle, parce que c'est BFM qui a repris cette image, mais on l'a retrouvée dans tous les JT, sur Internet, etc. Mais donc le recours souvent compulsif au micro-trottoir, il permet, encore une fois, d'enraciner l'interprétation souvent abstraite, l'interprétation qui est apportée par les experts, par exemple, dans un vécu anonyme, dans ce que pense cette dame sur ce qu'on vient de vivre, en tout cas. Et ça permet également d'individualiser, donc de rendre plus humain, si vous voulez, l'expertise ou le témoignage. Alors, ça c'est lorsqu'on fait appel à des personnages extérieurs, à des personnalités, à des gens qui vont témoigner sur ce qu'ils viennent d'avoir vécu, ce qu'ils viennent de vivre, pardon. Mais parfois, dans un délire un petit peu omniscient ou omniprésent, vous allez avoir aussi cette tendance pour les médias à envoyer des envoyés spéciaux un petit peu partout, sur le terrain, pour être au plus près de l'événement, et là aussi pour l'ancrer territorialement, pour dire, nous, notre chaîne, elle est au plus près de la discussion, du débat, de la catastrophe, lorsque c'est la catastrophe. Et on va voir, un petit extrait, qui vous montre que parfois, avoir un envoyé spécial sur place, ça n'apporte pas grand-chose d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue valeur ajoutée du contenu. concerned about the outcome of the U.S. election? Well, you know, we have a principle, which is we don't speak at problems of other countries, mostly friendly countries. Can I ask you which delegation you're with? Portuguese. Portuguese delegation, yes. And your office? I'm the President of the Republic of Portugal. Donc vous voyez, c'est pas toujours, grand chose. Écoutez, je propose de faire une petite pause maintenant, et parce que après j'ai une partie qui est plus homogène, donc